Bonjour, c'est à qui ? À moi. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ? Des fruits, s'il vous plaît. Combien coûte le raisin ? 2 euros le kilo. Alors, 1 kilo de raisin et 2 barquettes de fraises. Est-ce que vous vendez des bouteilles de jus de pomme ? Oui. Alors, 2 bouteilles, s'il vous plaît. Autre chose ? Oui, 4 oranges et 2 citrons. Et voilà. Alors, 12,50 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Bonne journée. Bon dimanche.